L'étoile amoureuse par Léon Sazy. Chapitre 1er. Un matin, vers 7 heures, je corrigeais les épreuves de mon feuilleton en cours. Mon travail fut interrompu par un coup de téléphone. C'était Paulin Broquet, le célèbre détective, qui m'appelait. Il me demanda : « Est-ce que vous êtes libre ?»« Oui. » « Prête à venir immédiatement ?»« Je suis en pantoufles, en veston d'appartement, mais je n'ai qu'à m'habiller. » « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?»« Je corrige les épreuves. »« Est-ce qu'elles peuvent attendre un peu ?»« Il le faudra bien. »« Laissez-les en repos. Venez. Il y a une affaire qui me paraît devoir être des plus intéressantes. »« Très bien. Ça va. Qu'est-ce que c'est ?»« Une affaire de journalisme. »« Ah ah, de journalisme. Elle débute de la façon la plus curieuse et la plus inattendue. »« Mais les journaux que je viens de parcourir n'en font pas mention. »« Ils ne pouvaient pas en parler. » Il y a une heure seulement qu'on a découvert le crime. Dans un journal? Oui, un journal américain. Le New World Herald. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Vous le saurez en même temps que moi. Venez me rejoindre en rue de l'Arbre Sec. Vous la connaissez? Elle donne dans la rue de Rivoli, près du Louvre, au New World Herald. Entendu. Je m'habille et je viens. C'est dans les bureaux du journal américain que le drame a eu lieu. Un de ses rédacteurs a été trouvé tout à l'heure étranglé par un fil de téléphone. En voilà une histoire. Quel est ce confrère? Davon Bridgeport. Davon? Le bon vieux Davon? Vous le connaissez? Très bien. C'est un excellent camarade. Ah, le pauvre diable! Vous dites étranglé avec le fil du téléphone? J'accours. Ça m'intéresse au plus haut point. Je viens tout de suite. Davon Bridgeport. Oui. Je le connaissais bien, car c'était un bon confrère depuis de longues années établi en France, ne comptant que des sympathies dans notre groupe d'hommes de papier. Il rédigeait les leaders politiques du New York Herald et s'occupait aussi de questions de théâtre. Il était très au courant de la littérature française, anglaise et américaine. Il avait beaucoup de talent. C'était un travailleur assidu, d'une vie simple et rangée, qui ne s'occupait que de littérature. Davon Bridgeport, assassiné, lui. Je demeurais absolument stupéfait, car ce bon Davon ponctuel, paisible, d'une vie mathématique, semblait l'homme du monde à qui jamais la moindre aventure ne pouvait arriver. Lui, assassiné, étranglé avec un fil de téléphone. Je mis en hâte un presse-papier sur les feuillets d'épreuve. Je les abandonnai et me rendis avec empressement à l'appel de Paulin Broquet. Le New York Herald est un des journaux américains les plus grands et les plus importants du monde. Il a établi à Paris, voilà plus de 50 ans, une succursale. Ses salles de rédaction et son imprimerie se trouvent rue de l'Arbre Sec. On entre par une porte vitrée et grillagée couverte de lettres en émail blanc donnant les indications habituelles des journaux. À droite de l'entrée, les doubles guichets du caissier et du comptable. Au fond, à gauche, l'escalier à grosse rampe de bois qui conduit à l'étage supérieur où sont établis les divers services de rédaction. Le cabinet du directeur est à gauche en entrant. À droite se trouve le salon d'audience et, plus loin, une porte vitrée qui donne sur un long couloir. Dans ce couloir, on remarque les portes des salles des rédacteurs. Le bureau qu'occupait Davon Bridgeport était vers le milieu de ce couloir. Sa croisée prend jour sur la rue Saint-Honoré. En face, de l'autre côté de la rue, est un vaste immeuble qui est destiné uniquement à des échanges de transit. C'est en quelque sorte une succursale de la bourse de commerce et du marché au grain. Le bureau de Davon Bridgeport n'est pas très grand. Il est toujours encombré de papiers et de documents. Les murs sont cachés par les rayons d'une bibliothèque fermant à clé. Dans cette bibliothèque sont soigneusement rangés, reliés en rouge et en gros bleu, les volumes formant la collection du New World Herald depuis son apparition. Collection unique et précieuse dont Davon Bridgeport a la garde et qui est sous sa responsabilité. Il la surveille d'ailleurs et la traite avec un soin jaloux. Non sans légitime orgueil, il montre un volume datant de 30 ans dans lequel apparut son premier article. Depuis cette époque, il n'a jamais cessé de collaborer au New World Herald. Pas un numéro n'a paru sans une ligne de lui, sans contenir sa signature ou tout au moins ses deux initiales D.B. Outre cette curieuse collection, dans ce bureau se trouvent aussi 3 tables. Une d'elles, en bois noir, en ébène et en marqueterie, avec incrustations d'or, d'ivoire, d'un intéressant travail espagnol. C'est sur cette table que l'on pose des livres de la collection pour les consulter ou que l'on peut écrire quelques notes rapides. Dave Bridgeport, lui, se contente d'une simple table en chêne qui est toujours surchargée de paperasse et que dépasse à peine la machine à écrire. Cette table se trouve près de la croisée dont j'ai parlé. Devant cette croisée se plaçait une table assez longue. Pendant l'été, on la tire en avant dans la pièce pour pouvoir ouvrir la fenêtre et donner de l'air. Il y a une lampe électrique au plafond, une lampe baladeuse sur le bureau de Devin Bridgeport à côté de la machine à écrire. Les fils de cette lampe baladeuse partent du milieu du plafond ainsi que les fils du téléphone posé, lui, sur la table devant la croisée. Voilà comment de tout temps était disposé le bureau de Devin Bridgeport. Tous ces détails sont gravés dans ma mémoire. Je suis venu assez souvent causer avec mon sympathique confrère pour qu'aucun d'eux n'ait échappé à ma mémoire. Quand j'arrivais rue de l'Arbre Sec, un homme de la brigade de Paulin Broquet montait la garde devant la maison du New York Herald. Il m'attendait pour me faire passer, malgré la consigne formelle qui défendait d'entrer et me mettre en même temps au courant de l'événement. L'homme de Paulin Broquet, quand il eut aperçu ma voiture, courut à moi. « Le chef vient d'arriver. Mais, dit-il, il m'a commandé de vous expliquer ce que l'on sait déjà. Le parquet est là également. Monsieur Barentin, le juge d'instruction, a commencé l'enquête officielle. Paulin Broquet a été chargé de faire de son côté une enquête à sa façon habituelle. Quel est le crime? On ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit. D'après ce que nous avons entendu, personne n'y comprend rien. C'est le mystère le plus absolu. Voilà ce qu'on dit jusqu'à présent sur cette affaire. Le garçon, en venant nettoyer le bureau de M. Bridgeport ce matin, a trouvé le rédacteur étendu à terre avec au cou un fil téléphonique enroulé. M. Bridgeport est mort. Non. Ah, tant mieux. Menez-moi près du chef. Il y avait devant le bureau du journal américain un cordon d'argent pour en défendre les approches et écarter les curieux qui emplissaient déjà les deux rues où la maison du New World Herald forme un angle. La foule débordait des trottoirs sur la chaussée, grossissait à chaque instant. Les curieux échangeaient leurs opinions, donnaient leurs avis et écoutaient les renseignements de gens sans doute bien informés, qui ne savent rien, mais tiennent à parler dans tout événement qui se produit. C'était donc déjà un de ces événements bien parisiens comme ceux dont raffolent les badauds. Grâce à mon guide, je pus franchir le flot des curieux et le cordon d'agents de police. Je pénétrai dans le salon de réception et j'allais serrer la main des magistrats que je connaissais et qui sourirent en me voyant paraître. « On vous attendait, » me dit le juge d'instruction d'un air un peu pincé. « Paulin Broquet semble ne pas pouvoir travailler si vous n'êtes pas là. Mon rôle, cependant, lui répondis-je, se borne simplement à enregistrer ses succès. » Le juge d'instruction se mordit les lèvres. Je venais de répondre à son trait qui voulait être méchant par un bon trait et j'avais touché juste. Monsieur Barentin, en effet, n'aimait pas beaucoup Paulin Broquet, qui avait réussi dans de nombreuses enquêtes où lui, Monsieur Barentin, juge d'instruction, s'était trouvé en défaut. Monsieur Barentin, excellent homme, au fond, jalousait la réputation du détective. Il avait de grandes prétentions à la finesse, à la subtilité et au flair. Il se disait à même de débrouiller les affaires les plus compliquées, de découvrir à coup sûr les criminels par sa méthode à lui. Sa méthode n'avait rien de commun avec celle des célèbres détectives. L'anglais Sherlock Holmes, l'américain Cochrane Harper, le français Paulin Broquet, qu'il appelait dédaigneusement « détective de magazine ». Je vis à son air froissé, je compris au ton dont il me parlait que l'intervention de Paulin Broquet lui semblait inutile et même le contrariait beaucoup. Seulement, il ne voulait pas le laisser voir. Quant à cette affaire, qui allait certainement causer grand émoi dans la presse, il se croyait sûr de la mettre au clair du premier coup d'œil. Il pensait même en tenir déjà la solution. Alors pourquoi avoir fait venir Paulin Broquet, dont la réputation de détective devait nuire à la notoriété du juge d'instruction? Dès le début de cette affaire, M. Barentin avait suivi la marche habituelle d'une instruction criminelle. Il avait relevé, comme toujours, le plan du théâtre du crime. Selon les prescriptions réglementaires, il avait interrogé le personnel. Il se trouvait donc, dès maintenant, devant de nombreuses feuilles de déposition et possédait un dossier déjà considérable. Il pouvait donc absolument être persuadé en lui-même qu'il tenait la solution de cet angoissant problème. En fait, malgré tous ces documents, il n'avait relevé rien de précis, pas la moindre indication, pas le moindre vestige, pas un seul lui fournissant la base de ses recherches. Mais néanmoins, il se lançait dans son instruction et pensait marcher à coup sûr vers le but qui devait porter, assurément, un coup formidable. Pendant ce temps, Paulin Broquet agissait tout différemment. Il appliquait sa méthode, que M. Barentin appelait dédaigneusement méthode de détective de magazine, mais qui, au fond, lui réussissait fort bien. Il commençait donc, à sa façon, de son côté, son enquête. Quand j'arrivais au journal, Paulin Broquet continuait à chercher dans le bureau de David Bridgeport. Il en avait fermé sur lui la porte. Par ses soins, un agent de sa brigade était placé dans le corridor afin d'empêcher quiconque de venir le déranger pendant ses recherches. Comme tout le monde, je dus, moi, qu'il avait cependant fait venir, attendre dans le salon de réception avec les magistrats. Dans ce salon, on avait transporté David Bridgeport, encore sans connaissance, inerte, et on venait de l'étendre sur un canapé. Un médecin lui prodiguait ses soins. Malgré ma réplique de tout à l'heure, M. Barentin ne se tint pas pour battu à notre première entrevue. Il revint à moi et m'attaqua de nouveau, mais cette fois indirectement, en s'adressant à son secrétaire, qui achevait d'écrire certaines notes qui lui dictaient. « Tout ce que fait Paulin Broquet en ce moment, dit-il, est à mon avis parfaitement inutile. C'est du temps perdu. Pour ma part, j'ai rarement vu une affaire aussi simple. » Et se tournant vers moi, il ajouta. « Quant à vous, je crois que vous allez perdre un beau sujet de reportage et que la copie vous fera défaut. » Sans mettre dans sa réponse la moindre intention méchante, tout simplement je lui dis « Mais vous, monsieur le juge d'instruction, croyez-vous vraiment que cela soit aussi simple que vous le supposez ?»« Je ne suppose pas que ce soit très simple. En effet, si c'était d'une telle simplicité, je n'aurais pas à m'en occuper. » »« Très juste. Je crois également que Paulin Broquet ne se fatiguerait pas à poursuivre ses recherches. Il est enfermé dans le bureau de David Bridgeport et il doit être à plat ventre sur le parquet ou collé contre le mur ou agrippé au plafond, sa loupe à la main, ramassant de la poussière, récoltant des bouts de papier, collectionnant des mégots de cigares ou de cigarettes, examinant des cendres de pipe et enfin découvrant des traces de doigts sur les supports les plus inattendus. » En riant d'une façon sarcastique, le juge d'instruction répliqua. « Oui, c'est sa manière, vous le savez bien. Je dirais même plus, c'est sa manie. » « En effet, mais une manie excellente souvent, et une manière dont les résultats se trouvent toujours heureusement justifiés. » Le juge d'instruction, d'un air un peu pincé, répondit à mi-voix. « Oui, vous avez raison. Il réussit assez souvent ses enquêtes. » Alors, pour ne pas le froisser davantage, je lui demandai. « Mais laissons Paulin Broquet faire ses recherches dans le bureau de David Bridgeport. Entre nous, quel est votre avis sur cette étrange affaire? Quel est le but de cet étranglement? Pourquoi a-t-on voulu tuer ce brave garçon? Enfin, qui a bien pu commettre cet attentat qui, au premier abord, semble absolument fantastique et sans explication possible? Nous sommes là pour déchiffrer cette énigme, et j'espère pouvoir vous dire bientôt la raison de cette affaire qui vous semble encore tellement mystérieuse et qui demande à Paulin Broquet un tel souci de recherche. Ah, vous croyez que nous allons le savoir bientôt? Et si rapidement que cela? Qu'en pensez-vous? Mais dès que M. Bridgeport, sous les soins du médecin, sera revenu à lui. » Dans un sourire, toujours sarcastique, le juge d'instruction ajouta. « En effet, nous aurons sans peine la véritable clé de cette énigme, puisque le principal intéressé est dans nos mains, puisque la victime doit pouvoir parler, puisque M. Bridgeport pourra nous dire lui-même comment il a été assailli, pourquoi, et nous livrer le nom de son agresseur. Nous aurons donc, sans craindre d'erreur judiciaire, le mobile de l'attentat. Vous le voyez, c'est très simple. En effet, comme cela, c'est, comme vous le dites, tout ce qu'il y a de plus simple. » Le juge d'instruction ajouta. « Inutile, vous vous en rendez compte, de se mettre à plat ventre sous le tapis, de se servir d'une grosse loupe, d'analyser les cendres des cigarettes, de faire cuire dans des cornues la poussière des souliers. » C'était une nouvelle attaque directe, précise, contre mon ami Paulin Broquet. « Puisque, ajouta M. Barentin, puisque, mon cher ami, nous saurons tout, je le répète, quand M. Bridgeport pourra parler. Il nous expliquera tout. » Une voix sur le pas de la porte répliqua. « Très juste, monsieur le juge, ce que vous dites. » C'était Paulin Broquet qui venait d'entrer. « Tout à fait juste, à une condition cependant, c'est que M. Bridgeport puisse parler. » Mais ce Barentin sursauta. « Pourquoi voulez-vous qu'il ne parle pas ? Il parlera. » « Mais s'il ne disait rien ? Moi, je le forcerai à parler. Mais s'il ne sait rien ? » Le juge d'instruction tressaillit de nouveau. « Comment ? S'écria-t-il. « Voulez-vous qu'il ne sache rien ? Il doit absolument tout savoir. » « Permettez, monsieur le juge d'instruction, permettez. Si monsieur Bridgeport, plein de bonne volonté et pour vous être agréable, veut parler et qu'il ne sache rien de plus que ce que nous connaissons nous-mêmes déjà, permettez encore qu'il ne puisse rien dire sur cette affaire que ce que nous savons, vous et moi. C'est impossible. » « L'impossible est souvent ce qui est le plus réel. Dans le cas qui nous occupe, pareille supposition est inadmissible. Je ne vois pas. » « Comment voulez-vous que M. Bridgeport ait été assailli et n'ait pas pu remarquer son agresseur ?» Paulin Broquet eut un sourire et répondit. « J'admets, monsieur le juge, qu'il ait vu son agresseur. J'admets, si ça peut vous être agréable, qu'il l'a parfaitement vu, très bien vu. Alors ?»« Alors, s'il ne le connaît pas, s'il ne sait pas pourquoi il a été victime de cet inconnu, tout de même, s'il l'a vu, il le reconnaîtra, s'il l'a vu dans son cabinet. » Il sait qui cet individu est, il sait pourquoi il est venu le voir. Admettons encore, monsieur le juge, reprit doucement Paulin Broquet, admettons que monsieur Bridgeport, ayant reçu cet individu qu'il ne connaissait pas, qui, pour s'introduire chez lui, a peut-être donné un faux nom, c'est-à-dire un mauvais prétexte. Monsieur Bridgeport, lorsqu'il sera revenu à lui, sous les bons soins du docteur, ne pourra rien nous dire que ce que nous savons, c'est-à-dire qu'il a été étranglé par le fil de son téléphone et qu'il ne sait pas la raison de cet attentat. Alors, dans ce cas, nous serons forcés, pour servir la justice, de faire ce que je viens d'entreprendre, de rechercher les raisons du crime et le coupable, sans compter, pour nous éclairer, sur les déclarations de la victime. J'ajoute qu'alors, nous le ferons trop tard et dans de moins bonnes conditions que maintenant, donc avec beaucoup moins de chances de réussite. Il ajouta. Laissez-moi donc cet avantage, monsieur le juge d'instruction. C'est qu'avec ma grosse loupe, en marchant à quatre pattes sur le plancher, en grimpant au plafond, je n'ai pas perdu de temps. Et j'ai déjà un grand avantage qui me facilitera les recherches auxquelles j'en suis persuadé. Je vais être obligé de me livrer pour arriver à découvrir la clé de ce mystère que, ne tressaillez pas, M. Bridgeport ne peut pas nous donner. Le juge d'instruction, ne sachant trop que répliquer, se contenta de répondre. C'est peut-être très bien. Je vous cède cet avantage. Mais j'estime qu'avant toute chose, nous devons savoir ce que dira la victime à son réveil. « Attendons, » dit Paulin Broquet. Il alla jeter un coup d'œil sur Bridgeport, encore évanoui, mais qui peu à peu commençait à revenir à lui. À ce moment, le garçon de bureau apportait sur un plateau une cuillère, une bouteille de cordial réclamée par le docteur et un verre. Le docteur s'apprêtait à faire prendre une cuillerée de son cordial au malade. Paulin Broquet intervint. « Vous ne lui avez encore rien fait prendre ?» demanda-t-il avec vivacité au docteur. « Non. »« Parfait, parfait. C'est une chance. » Et il empêcha le docteur de donner le cordial. « Accordez-moi une seconde, docteur, je vous prie. »« Volontiers. » »« Je vois là sur la victime certaines choses assez curieuses. Permettez-moi, docteur, d'examiner un peu plus près le malade. » Très complaisamment, le docteur s'écarta. M. Barentin aussitôt s'approcha pour voir ce qu'allait faire Paulin Broquet. Je me trouvais déjà près de mon ami. M. Barentin regardait Paulin Broquet se pencher sur le malade. Il le regardait avec son sourire sceptique, qui était chez lui une attitude voulue. Évidemment, pour lui, tout cela n'était que de la fantaisie inutile. Une manœuvre de Paulin Broquet, une tradition de détective de magazine pour attirer sur lui l'attention des magistrats, se ménager une réclame dans les journaux et me jeter à moi, son ami, qui allait parler de cette affaire, de la poudre aux yeux, pour, quand je relaterai cette enquête, que certainement j'appellerai un nouvel exploit de Paulin Broquet, je puisse m'étendre, à mon gré, sur son admirable façon d'opérer. Je dois dire, pour la vérité, que Paulin Broquet, quand il entra dans cette pièce, ne se soucia en aucune façon de moi, qu'il avait cependant fait venir. C'est à peine s'il me jeta en passant un rapide coup d'œil pour me dire bonjour. Désormais, il ne s'occupait plus que de son affaire. Mais moi, qui le suivais attentivement, je découvris à son front les plis que je connaissais bien, qui semblaient rapprocher ses yeux. Cet indice me disait que l'esprit de mon ami était extrêmement tendu. Je compris tout de suite qu'il avait vu ou pressenti dans cette affaire beaucoup plus de choses que ce que les autres magistrats, y compris le fin, subtil et sarcastique M. Barentin, ne pouvaient soupçonner. Maintenant, Paulin Broquet avait écarté tout le monde et se trouvait seul, courbé sur le malade. Il l'examina longuement, minutieusement, puis il se pencha davantage sur Bridgeport et il approcha des lèvres demi-ouvertes du malade. Il les sentit à plusieurs reprises. Se tournant vers le docteur, il lui demanda « Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas ?»« Bien sûr de n'avoir encore rien fait prendre à M. Bridgeport. Vous le jurez ?»« Absolument. C'est bien. » « Personne, avant vous, ne lui a fait ingurgiter un cordial quelconque. »« Non, personne, je puis le garantir. »« C'est parfait, c'est parfait. » Se tournant alors vers moi, il me demanda. « Vous connaissez suffisamment votre confrère David Bridgeport, n'est-ce pas ? On le connaît assez enfin dans le monde de la presse, pour savoir quel était son genre de vie. »« Absolument, nous le connaissons parfaitement. » Enfin, et cela peut se demander ici, sans en rien entacher l'honorabilité de cet excellent homme de lettres, cela peut se demander, dis-je, est-ce que M. Bridgeport avait quelquefois la faiblesse de boire, de déguster au courant de la nuit, pendant son travail, quelques cocktails selon la mode actuelle ? Pas du tout, répondis-je. M. Bridgeport, sans être toutefois au régime de l'eau, ne buvait pas. En tout cas, jamais il ne buvait d'alcool. C'est bien, c'est très bien. Paulin Broquet se rendit à la porte. Il appela le garçon de bureau. Il le fit entrer dans la pièce et derrière lui referma la porte. « Avez-vous, lui demanda-t-il, apporté dans le courant de la soirée à M. Bridgeport un grog, par exemple, dans lequel il y avait du kirsch ou un alcool quelconque ?»« Non, monsieur, non. M. Bridgeport ne buvait jamais rien au bureau, même pendant l'été. »« C'est bien. C'est très bien. Merci. » Il revint au malade. « Docteur, je vous le rends, » dit-il. Mais auparavant, permettez-moi de faire encore une petite constatation. Faites, mon cher Broquet, le malade est en assez bon état pour pouvoir attendre encore quelques instants. Paulin Broquet ouvrit le gilet de David Bridgeport. Il examina la chemise et tâta la flanelle de corps sous la chemise. Puis, prenant dans sa poche à lui une paire de ciseaux, il se mit en devoir de couper un morceau du plastron de la chemise. Se tournant vers M. Barentin, il dit en souriant « Généralement, la vérité se présente toute nue. Il est cependant permis de prendre parfois un bout de chemise pour la faire apparaître. » Quand il eut fait ce prélèvement sur la chemise du journaliste, il allait se redresser, mais comme il fermait le gilet, il s'arrêta. « Tiens, qu'est-ce que ceci ? Une clé ?» Il prit cette clé et la montra au juge d'instruction. C'était une simple petite clé en fer. Paulin Broquet la regarda quelques instants, la tenant au bout de ses doigts. L'étudiant sembla réfléchir profondément en l'examinant, puis il passa son doigt dans la poche du gilet du malade. Singulière idée de mettre cette petite clé dans cette poche. La poche est trouée. La doublure du gilet est trouée aussi à cette place. La clé devait fatalement tomber, glisser, se perdre. C'est un hasard qu'elle était retenue entre le gilet et la chemise. Je gage même qu'elle ne devait pas y être depuis longtemps. Je gage que M. Bridgeport n'a pas fait grand-chose avec cette clé hors de la poche trouée. Paulin Broquet garda la clé et la mit dans la poche de son gilet à lui, qui certainement n'était pas troué. « Je la conserve, » dit-il au juge d'instruction. « J'en ai besoin. » Puis, se tournant vers le docteur, il ajouta. « Cette fois, docteur, j'abandonne tout à fait à vos soins, M. Bridgeport. Faites-le revenir à lui le plus tôt possible pour qu'il puisse répondre aux questions que M. Barentin brûle de lui poser. » Alors, prenant le bout du plastron de chemise, il se mit à le sentir à plusieurs reprises comme s'il cherchait à reconnaître, à trouver une odeur. Puis il tira son énorme portefeuille, y prit une pochette de papier imperméable. Dans cette pochette se trouvait un fragment de papier à journal tout froissé. Il l'approcha également de ses narines et le sentit aussi attentivement qu'il l'avait fait pour le bout de plastron. Il les compara tous deux scrupuleusement. M. Barentin le regardait faire, conservant ce sourire de quelqu'un qui sait ou croit savoir, se juge très fort, supérieur devant un faiseur de tours, en face d'un charlatan. « Mon cher ami, me dit Paulin Broquet, comme confidentiellement, mais à haute voix, ce bout de papier que j'ai ramassé par terre dans le bureau de M. Bridgeport est un fragment de journal américain. Je sais qu'il est américain parce qu'il est imprimé en caractère américain, en langue anglaise, et ce fragment de journal date de 35 ans environ. Se tournant vers M. Barentin, il ajouta « Je n'ai pas seulement étudié les cendres de cigarettes, monsieur le juge d'instruction, mais aussi la texture du papier. Je pourrais très facilement dire, comme d'ailleurs tout homme qui s'occupe d'imprimerie et de papier, dire de quelle époque est celui-ci. Mais ne voulant pas me faire plus sorcier que je ne le suis, je vous montre qu'il porte la relation d'un fait qui s'est passé il y a 35 ans environ. Je ne veux pas jouer ici à l'homme à double vue. Voyez, il est dit sur ce bout de journal « Le président Chester a reçu hier à la Maison-Blanche une délégation de « Ici, c'est déchiré ». Or, le président Chester exerça de 1881 à 1885 la haute fonction de président de la République des États-Unis. Comme déduction, c'est tout simple, n'est-ce pas ? En effet, dis-je. Sans doute, interrompit M. Barentin, mais cela n'a aucun rapport avec l'affaire qui nous occupe. Tel n'est pas mon avis. Je trouve au contraire, monsieur le juge d'instruction, ce chiffon de papier très intéressant. Je lui vois une importance des plus grandes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a la même odeur que le plastron de la chemise de M. Bridgeport, que la poche de l'habit de M. Bridgeport a la même odeur, qu'une place du tapis a la même odeur, car je me suis mis à plat ventre dans le bureau de M. Bridgeport. C'est peut-être une position ridicule, mais je suis un chien de chasse criminel qui recherche un gibier singulièrement malin. Bien difficile à prendre. De plus, monsieur le juge, je fais également des études très précises non seulement sur les bouts de cigares, mais aussi sur les parfums, les essences et les relents d'alcool. « Cela vous donne des résultats ?» demanda M. Barentin. « Quelquefois. Ainsi, aujourd'hui, cela m'a permis de constater ceci. Le tapis a la même odeur que le bout de vieux journal, que le plastron de la chemise, que la poche de l'habit de M. Bridgeport, et chose étrange, la corde du téléphone qui serrait le bout de M. Bridgeport n'a pas du tout cette odeur. Et vous en concluez ?»« Moi ?» s'écria Paulin Broquet, « je ne conclus jamais au commencement d'une affaire. » Paulin Broquet regarda M. Barentin d'un air légèrement moqueur. C'est lui maintenant qui souriait en enveloppant précieusement le morceau de plastron de chemise avec le fragment de journal américain, vieux de 35 ans, dans sa pochette de papier imperméable et rangeant le tout, toujours précieusement, dans son portefeuille profond comme une malle.